Daniel Ménard est décédé. Alors, ce conférencier et consultant qui a œuvré pendant de nombreuses années dans le domaine de la conscience supramentale, qui a été également l'intervieweur de Bernard de Montréal pendant plusieurs années, est mort. Alors, la nouvelle nous provient de Sylvain Labarre, qui a fait un envoi sur Facebook dans le groupe Diffusion BDM Intel. Comme de quoi qu'il est décédé. Donc, il a écrit « Bonjour, je viens d'apprendre que Daniel Ménard est décédé d'une crise cardiaque. Un autre grand personnage de la conscience supramentale nous quitte après Bernard de Montréal et Daniel Kemp. » Par la suite, il y a des gens qui ont commenté naturellement sur Facebook son décès, dont notamment Jean-Charles Savard qui a écrit « Daniel est mort vers 10h AM aujourd'hui, le 13 janvier 2019, dans l'ambulance qui l'amenait dans un hôpital aux USA. Il souffrait de détresse respiratoire depuis le matin et en est mort dans l'ambulance. Version vérifiée par la dernière personne qui l'a vu et qui en prenait soin, Jeannette Corbeil. » Donc, selon ces deux témoignages, Daniel Ménard serait décédé aujourd'hui, donc le 13 janvier 2019. Ce que je peux dire par rapport à lui, pour l'avoir déjà rencontré en personne, discuté également à quelques reprises avec lui, c'est que j'appréciais beaucoup son sens pratique par rapport à l'application des principes de l'instruction supramentale dans la vie de tous les jours. J'ai adoré d'ailleurs son adage qu'il avait formulé, qui est ceci, « vibrer et agir ». Donc, autrement dit, la personne perçoit une vibration qu'elle capte psychiquement et par la suite, elle passe dans l'action, dans le concret, dans sa vie, en congruence avec la vibration qu'elle perçoit. Donc, c'est simple comme principe. Donc, si par exemple, la personne a la vibration de mettre fin à une relation amoureuse, bien, elle agit. Elle met fin à la relation amoureuse en suivant la vibration. Même chose pour s'acheter une auto, même chose pour changer d'emploi ou peu importe. Mais souvent, la problématique, c'est que les gens, bien que ça soit très simple à comprendre comme principe, vont pas nécessairement le mettre en application parce que souvent les gens vont avoir peur, vont se sentir coupables, vont vivre du doute ou ils vont se faire astraliser dans le processus puis ils vont réfléchir. Donc au lieu de vibrer et d'agir, il y a une interférence qui se passe entre les deux et la personne vibre, elle réfléchit puis elle agit pas. Et ça, c'est ce qui guette beaucoup de personnes en processus de conscientisation, c'est-à-dire intellectualiser la vibration. Puis là, l'astral prend le relais sur l'élan fondamental de l'esprit que la personne pouvait capter psychiquement. Donc, c'est sûr que ce principe de vibrer puis d'agir est très intéressant et très pertinent parce que c'est la base qui nous permet d'avoir un vécu dans notre vie de tous les jours en relation avec la conscience supramentale qui sert à en faire une illustration concrète de son intégration. Parce que quelqu'un ne peut pas intégrer réellement la conscience supramentale si la personne n'est pas capable de vibrer et d'agir en conséquence dans sa vie de tous les jours. Parce qu'en soi, ça demeure juste théorique. Une personne peut vibrer plein de choses, elle peut capter plein de choses psychiquement, mais si elle ne s'engage pas dans le quotidien en relation avec ça, ça demeure du pelletage de nuages, puis un manque d'intégration. Donc, c'est sûr que j'ai apprécié beaucoup ce principe-là qui a mis de l'avant, essentiellement à travers ses interventions, ses conférences. Après tout, il en a fait de nombreuses qui ont donné place à au-dessus d'une centaine d'enregistrements s'y rapportant. Donc, Daniel Ménard, j'ai beaucoup apprécié, entre autres, son côté pratique par rapport à la conscience, parce que c'est facile de s'égarer, surtout quand on touche à du matériel très éthérique, du matériel très occulte. Donc, c'est sûr que la base, c'est d'être capable de vivre cette conscience-là dans la vie de tous les jours, de savoir qu'est-ce qui se passe sur l'île du paradis central, puis de tomber dans des considérations extrêmement abstraites. Ça n'a pas nécessairement une très grande pertinence pour l'époque présente, bien que c'est intéressant d'avoir une perspective sur l'avenir et du développement de l'humain et aussi des autres réalités qui constituent l'univers, mais fondamentalement, l'être humain, à court terme, a à intégrer cette conscience-là dans la vie de tous les jours et le type de consultation qui faisait aller en ce sens, ce que je trouvais intéressant. Sinon, j'appréciais beaucoup sa franchise. Donc, c'était quelqu'un qui était direct. C'était pas quelqu'un de complaisant ou d'hypocrite. Donc, c'est quelqu'un qui avait une parole qui pouvait parfois être tranchante. Mais en même temps, on avait l'heure juste. Donc, c'est ça qui était intéressant dans son approche. Donc, j'ai beaucoup apprécié son travail qu'il a fait au fil des ans, autant d'écouter de ses conférences et aussi les discussions que j'ai eues avec lui qui m'ont ramené souvent à des considérations pratiques, dans le sens que par rapport à la conscience, si la personne n'est pas capable de vivre en cohérence avec ça dans sa vie de tous les jours, de parler de conscience, c'est du pelletage de nuages, puis ça ne sert à rien. Voilà essentiellement le message que j'ai capté, j'ai intercepté, donc par rapport à sa démarche. Donc, c'est sûr que là, je viens d'apprendre la nouvelle. Je m'y attendais parce qu'il y a des gens qui m'avaient parlé de lui dans les dernières semaines et m'avaient mentionné qu'il était gravement malade et qu'il ne lui restait plus sans doute beaucoup de jours à vivre. Donc, c'est sûr que par rapport à son travail, le message que je veux livrer aux gens qui m'écoutent maintenant, c'est que j'ai beaucoup apprécié l'esprit de sa démarche. Je me répète, mais c'est quand même important pour moi de mettre l'accent là-dessus. Puis en même temps, ce témoignage que je fais par rapport à lui, parce qu'après tout, tout est interrelié, dans le sens que les êtres décédés peuvent capter les propos des vivants. Et si la personne vivante a une capacité de perception psychique, elle peut même vivre une communication télépathique avec des êtres décédés. Donc, c'est sûr que le message que je peux adresser à Daniel Ménard, de ce que j'ai discuté avec lui, c'est que essentiellement, j'ai beaucoup apprécié la dimension pratique de son travail qui a favorisé l'intégration d'une conscience supramentale. Et c'est sur ce mot que je vous quitte maintenant. Et bien, écoutez, je dis mes condoléances pour les proches, pour les gens qui l'ont connu au fil du temps.